une vraie équipe. Si on l'air, jamais tu te trompes. Toute l'année, bah ça gratte, gratte, gratte. C'est Ramesh contre tous ces hâtes. Les foncés, ça attire les chattes. Et sous le gamo, ça sème la grosse marre. Pour manger, normal, ça te taxe. Le million, ça veut pas dire pack. Quand t'es bien, c'est normal, ça jacque. Fais un tour à Villefranche dans les douches, ça charme. À Nanterre, sur mon son, ça pousse. T'as fumé la bombe, à tu tousses. Je suis connu dans le patelin. De partout on te met la picouille. Viens chez moi on se fait 4 bijoux. On est lyonnais comme Benzé. Des critiques bah y'en a beaucoup. Apprécie ceux qui t'aiment et le reste baisé. Petit à petit moi je me fais un nom. Reconnais chouris comme un con. Je suis content ça soutient à fond. Dis pas lâcher que j'ai un don. C'est l'allemand dans une grosse allemande. On est 5 ils viennent à 30. Que des frères j'ai une vraie équipe. Si on l'air jamais tu te trompes. C'est l'allemand dans une grosse allemande. On est 5 ils viennent à 30. Que des frères j'ai une vraie. Mais tu te trompes. Je retourne dans le game, ah oui. J'arrive lourd comme Oussem Aouar. Comme d'hab, je m'en bats les clés, oui. Grosse caisse, grosse plaque, on nique les radars. T'es une chienne, non, t'as redable. Le bolide attire ton regard. C'est l'été, t'es endetté. Les ratus, quand ils perdent, direct, ils recadrent. Et ce son, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours pour vous ambiancer. Plein de projets, des ambitions. Je dors pas, je lâche pas, moi je fais que poncer. C'est la mode, ils sont pleins de cesse. Nous, y'a pas de ça dans la tête. Ça pilote en état d'ivresse. Poursuit une chasse, finie dans la presse. C'est bientôt qu'il arrive l'album. Donne un rouge et t'auras la bombe. Six mois, tu connais les hommes. Y'a rien m'échappe que la force on donne. C'est l'allemand dans.